Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Pour les bienfaits reçus par Quraysh. Pour les bienfaits de leur voyage d'hiver et d'été. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qu'il les a nourris au mépris de la faim et les a rassurés en dépit de la peur.